Jensen, hey, baby, on est ça qu'il faut, ou mettez corps sexy. Oui, c'est Coca et yo-yo, c'est Pepsi. Nous, on met fesses café, crise d'épilepsie. Ou exki. Ouais, mon ouais, on prenait ça qu'à bas, moi, esqui. C'est mon cas crié pendant nos mou café Nesby. N'est-ce pas? Attends deux secondes, respire. Géoloc et m'en l'air en despi. Wine and go down, gal, au débat. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fesses qu'à bubbling, au détail. Nom c'est Alpha, qu'a rentré à dans Omega. Godongal ou Teba. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fesca bubbling au détail. Nom c'est Alpha, qu'a rentré à dans Omega. Ou pas timide, pas ni limite. Les autres là c'est des copies, elles timident. Ou c'est dynamique, donc elles paniquent. Ou ketchup maillot complet qu'on boquite. M'enlève ou enlève moi ça torride. Je suis sorti masqué y'a Covid. J'suis ton médicament, ton virapique. Est-ce que ça pique? Wine and go down, gal, au débat. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fresca bubbling au détail. Nom c'est Alpha, qu'a rentré à dans Omega. Go down, gal, au débat. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fresca bubbling au détail. Nom c'est Alpha, qu'a rentré à dans Omega. Go down, gal, au débat. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fresca bubbling au détail. Nom c'est Alpha, qu'a rentré à dans Omega. Godongal ou Teba. Lâche tes cheveux, L'Oréal. Fesca bubbling au détail. Nom c'est Alpha, qu'a rentré à dans Omega. Yo yo yo yo, yo. Godongal. Fesca bubbling au détail.